Bonjour à tous. Je vois que vous êtes bien réveillés ce matin. Cela nous fait un grand plaisir d'être avec vous. J'aimerais vous introduire ce matin sur notre passage de ce matin, instruisez-vous les uns les autres. Ça se trouve dans Colossiens 3, 16, et le verset dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Alors, ce matin, la dernière fois que je vous invitais à un festin spirituel, tantôt on parlait du repas du Seigneur, j'aurais pu parler du repas du Seigneur parce qu'il nous amène dans sa parole. Mais c'est autre chose ici, le repas que nous faisons une fois par mois. Ce festin est un outil que j'ai appris à découvrir depuis plusieurs années. Le gros avantage, c'est qu'il est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de concordance, de dictionnaire biblique, commentaires bibliques, de cartes géographiques élaborées, ni de connaissances des langues originales, c'est-à-dire l'hébreu et le grec. Ce sont les Bibles d'études. Alors, plusieurs d'entre vous connaissez les Bibles, des fois ils ont une page blanche, ils ont des fois, ou ils ont des marges larges, ou il y a la colonne de versets au centre. Cette colonne-là, on l'appelle des parallèles. Parce que ce sont des passages parallèles à celui qu'on lit présentement. Alors, ils nous rapportent à d'autres passages pour nous aider dans notre compréhension. Alors, j'en ai une. Elle est justement ici. Il y a une page blanche entre deux pages. C'est pour prendre des notes. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une Bible d'étude. C'est fait pour écrire dedans, pour colorer, mettre des notes, etc. Alors, c'est un outil de travail. Il y a un certain malaise parmi certains croyants, c'est la peur d'être sous une influence humaine pour interpréter l'Écriture. Probablement une réaction ou version catholique et sur leur interprétation catholique avec l'imprimature du Vatican et du diocèse. Ils n'allouaient aucune autre façon d'interpréter. Il n'y avait pas de liberté de conscience en lisant l'Écriture. C'est bien ça. Alors, c'est sola scriptura. C'est une expression latine qui est chère au cœur des enfants de Dieu. C'est-à-dire, seule l'Écriture comme autorité en matière de foi et de conduite. Nous pensons que la première fois que cela a été utilisé, ça a été utilisé par Luther dans son discours à la diète de Worms en 1521. Maintenant, la diète, il faut comprendre que ce n'est pas alimentaire, ce n'est pas nutritionnel. La diète, c'était la rencontre des États généraux de l'Empire. Ils se réunissaient dans une ville, et c'était la ville de Worms. Ils ne faisaient pas ça de façon régulière, mais lorsqu'ils le faisaient, ils se rencontraient dans la ville de Worms. La première fois, c'est dans l'an 800 quelque, et cette fois-là, c'est en l'an 1521, où Luther a présenté ses thèses et qu'est-ce qu'il voyait dans l'Écriture. Et il voulait demander un changement, que ce soit seulement l'Écriture qui doit mener la vie de foi et de conduite. Alors, revenons à cette peur. Certains ne veulent lire que la Bible seulement, comme si tout autre enseignement serait superflu. Ce que nous oublions, c'est que les réformateurs, c'étaient des grands érudits, non seulement dans les langues originales, mais dans l'histoire de l'Église, c'est-à-dire des origines jusqu'au jour où Luther s'est présenté à Worms, l'histoire de l'Église, c'était l'Église catholique. Il n'y avait pas d'autre Église. Et dans beaucoup d'autres sujets, ils étaient passés maîtres. Ils avaient accès à de grandes bibliothèques en Europe. Et de leur temps, avec des livres très anciens, qui sont encore disponibles aujourd'hui. Il n'y a, si vous pensez, il n'y a aucune connaissance que vous possédez aujourd'hui qui n'a pas été apprise seule. C'est-à-dire que dans le vide, il vous est venu des connaissances. Non, on apprend. On apprend avec toutes les formes d'éducation et d'expérience que nous vivons, avec et sans le Saint-Esprit. L'éducation de nos parents, l'éducation scolaire, l'éducation de la vie, nos interactions, etc. Et le Saint-Esprit vient nous parler de tout ça. Alors, chaque message que vous avez entendu, lecture, chanson, ont participé à un fruit unique. C'est ce que vous êtes aujourd'hui, un fruit unique. Et oui, vous pouvez enseigner et exhorter de ce que Dieu vous a montré. Et voilà la richesse de l'Église. Même les divergences ont quelque chose à enseigner. Alors, ici, j'ai apporté 4 bibles d'études qui sont ouvertes devant vous. Vous pouvez les examiner après, si cela vous intéresse. Alors, j'aimerais vous en parler. Alors, j'ai choisi quelques-unes des bibles d'études qui sont appropriées, dans le sens qu'il y a d'autres bibles sur le marché, il y en a qui sont pentecôtisantes, il y en a qui sont des bibles d'études juives, ou il y en a d'autres c'est qui ont d'autres orientations. Alors, on veut une Bible qui enseigne la Bible. Alors, je vous ai pas présenté, j'ai pas présenté les Bibles catholiques, mais les Bibles qui sont pour les croyants, qui sont utiles, communes, facilement accessibles. Alors, il y a la Scofield, la Bible Thompson, la Seconde 21, la MacArthur et la version Sommer 2018. Alors, la Bible Scofield, elle nous donne des explications historiques et théologiques, insistant surtout sur le point de vue dispensationaliste et prophétique. Alors, si vous tournez les pages de la Bible Scofield, vous allez voir que souvent, vous avez à peine une petite note au bas de la page où il n'y en a pas du tout. Des fois, il peut y avoir un gros paragraphe. Alors, mais c'est surtout orienté vers la prophétie. C'est le point de vue dispensationaliste. Ensuite, il y a la Bible Thompson. Il n'y a pas de commentaire de verset par verset. Il y a quelques notes explicatives historiques sur la Bible et des notes sur la traduction. Il y a de courtes analyses sur les livres de la Bible. Et ce qui est bien important dans la Bible Thompson, c'est son aspect face à l'archéologie. Alors, il y a tout un fascicule sur l'archéologie. Les notes sont surtout orientées vers les aspects historiques et archéologiques. Alors, les 3 prochaines Bibles, c'est-à-dire la Seconde 21, MacArthur et la Sommer, ils se ressemblent beaucoup, puis une structure similaire. C'est-à-dire qu'ils ont une introduction à l'Ancien Testament, une introduction au Pentateuch, une introduction aux différents livres, des notes en bas de page, verset par verset. Mais ce n'est pas nécessairement de façon absolue. Quand on dit le verset, des fois, il peut sauter un ou deux versets et il continue. Il y a un petit dictionnaire de mots choisis. Il y a de même une concordance de mots choisis qui est utile. Ce sont les mots auxquels on s'arrête. Il y a un ensemble de cartes, de chartes informatives, de tableaux chronologiques et d'harmonie de livres. Alors, il y a un ensemble de références à d'autres passages. Alors, c'est un outil qui est fait pour être pratique, sans avoir une bibliothèque et d'aller chercher des livres à tout bout de champ et d'investir monétairement dans toutes sortes de livres pour recevoir des informations. Ce que vous avez besoin pour le croyant de tous les jours, l'information, elle est plus que nécessaire. Alors, les introductions, au lieu d'avoir une introduction de, je sais pas moi, 10-12 lignes, bien, vous allez avoir 2-3 pages, une page dépendant du livre. Si vous avez le livre d'Abdias, vous allez avoir une page. Alors, l'idée, c'est tout simplement que c'est plus élaboré que qu'est-ce qu'on trouve ailleurs, mais c'est plus court que qu'est-ce qu'on trouve dans un dictionnaire, une encyclopédie ou dans un commentaire. Dans un commentaire, vous allez avoir 10 pages, des fois, sur un verset, ou 5 pages. On n'est pas nécessairement disposé à s'arrêter puis réfléchir sur ce verset-là pendant 10 pages, 5 pages. Alors, la seconde 21, je ne la connais pas vraiment. Les descriptions reçues, elles semblent plus factuelles. Elle cite les différences entre versions et différents manuscrits, les jeux de mots dans l'original, le nom des anciens sites et leur nom aujourd'hui. Il me semble qu'il y a moins de notes au bas des pages, mais c'est une impression. Steve Cloutier, lui, il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup. Moi, j'ai l'impression que c'est une Bible qui vient peut-être orienté un peu plus vers les pasteurs. Je ne sais pas, là, c'était une impression en regardant les commentaires qui sont écrits. La MacArthur et la version sommaire se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas de grosses différences entre les deux. Il y a certaines différences, mais je veux dire, la version MacArthur, c'est MacArthur lui-même qui écrit. On ne fait pas appel à d'autres personnes. C'est sa personne qui écrit. Alors, c'est la version seconde, édition nouvelle de Genève de 1979. Il est appuyé par toute une équipe de recherchistes et de collaborateurs, et de théologiens évangéliques. Quelques-uns, là, ceux qui l'entourent, là, qui partagent ses points de vue. C'est facile d'avoir des points de vue divergents. Alors, vous allez juste regarder encore dans la vie de couple comment on peut avoir des points de vue divergents. La version sommaire de 2018, revisée, c'est la version avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Et je vais vous en parler plus longuement. Initialement, ce qui m'a touché, c'était la fluidité de son français. C'est facile à lire. Puis c'est un langage de tous les jours, puis il est, comment je pourrais dire, mieux choisi. C'est juste l'expression que je veux vous donner. Ce n'est pas nécessairement un langage littéraire avancé. C'est pour monsieur et madame tout le monde. C'est un français qu'on appelle moyen. Il y en a qui ont un français simple, c'est des mots beaucoup plus simples. C'est un français moyen, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et c'est la population qui est choisie par cette traduction. Alors, elle est toujours fidèle au texte. Elle respecte les nuances et la pensée de l'auteur que la langue originale essaie de nous transmettre. J'aimerais mentionner en retour, dans les gens qui ont accompagné l'éditeur, c'est Dr. Kuhn. Oui, Dr. Kuhn met son grain de sel à travers la Bible, mais ce n'est pas lui nécessairement qui écrit tous les commentaires qui sont là. Il y a une douzaine de théologiens qui viennent de différentes écoles à travers l'Europe, l'Afrique et même des États-Unis qui l'ont accompagné dans cette œuvre pour apporter les différentes notions de commentaires qu'on retrouve dans les notes de bas de page. Alors, si vous ouvrez la Bible sommaire, vous allez trouver un texte à peu près, des fois quelques lignes, mais d'autres fois c'est plus large. En général, c'est nourri. Alors, c'est un livre qui nous apporte beaucoup. Vous allez le voir tantôt. J'ai pris des photocopies. Alors, en hébreu, il y a beaucoup de jeux de mots, de jeux phonétiques, d'associations, de métaphores et de variations dans l'interprétation ou la traduction. Alors, pourquoi une traduction est choisie au lieu d'une autre et comment parfois un même texte peut amener à des points de vue différents, des interprétations différentes? Cela nous est expliqué sans nécessairement aller dans l'hébreu et le grec. Hey, c'est pas besoin d'aller à l'école, hein? Pas besoin de grec et d'hébreu. Alors, il l'explique tout simplement dans la Bible et c'est facile à comprendre. Une Bible d'étude n'est pas faite pour être lue comme un journal, mais plutôt comme un outil de travail minimal, c'est-à-dire que c'est un minimum d'efforts. Ce n'est pas des grands efforts, comme j'ai mentionné. Ce n'est pas comme dans un commentaire. C'est différent. C'est le minimum de mots choisis pour nous donner l'essentiel de l'information. Et c'est accessible, c'est pratique. Alors, je vous invite à aller chercher vos crayons feutres, vos crayons et vos stylos de couleur. C'est fait pour ça, une Bible d'étude. Que vous écrivez dedans, que vous soulignez, que vous mettez les couleurs que vous aimez, les repérages que vous désirez, c'est fait pour ça. C'est fait pour être une Bible de travail. Vous aurez besoin de temps. C'est magnifique. La plupart d'entre vous, vous êtes à la retraite. Le matin, au lever, avec mon café, je prends environ une demi-heure à une heure le matin pour lire ma Bible d'études. Alors, tout au long de ma lecture, je prie et je réfléchis. Il faut prendre du temps avec Jésus. Si vous voulez qu'il vous instruise, ça demande du temps. Alors, ce n'est pas en 5 minutes, ce n'est pas en 10 minutes. Il faut se donner un peu plus de temps. Ou si vous voulez juste regarder un verset, c'est correct. J'aime beaucoup méditer sur l'Écriture. Comment on fait cela? Premièrement, on prend un mot ou un passage, et on passe du temps avec. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, parfois, on prend un dictionnaire. Parfois, on regarde des versets associés, des passages associés. On pense à des synonymes, des antonymes, c'est-à-dire le contraire. Est-ce qu'il y a un sens symbolique? J'ai réalisé, en faisant cet exercice-là, qu'il y a énormément de métaphores. Et on parle en images très fréquemment dans le quotidien. C'est incroyable comment on parle en images. Alors, la Bible d'études sommaires va vous guider dans ces réflexions. Parce qu'on n'est pas tout seul, hein? Ceux qui nous ont précédés, eux autres aussi, ils ont réfléchi. Eux autres aussi, ils ont pensé. On n'est pas tout seul, là. On a 2000 ans d'histoire en arrière de nous, là. Il y a beaucoup de monde qui ont pensé. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne fait pas d'analyse de texte. Ouf! Hey, vous savez ce que c'est l'analyse de texte? On prend un texte, on le décortique. C'est quoi le sujet? C'est quoi le complément? C'est où, de qui qu'on parle, comment, pourquoi, de qui, de quoi, etc. C'est beaucoup de temps. Beaucoup plus que qu'est-ce qu'on veut allouer dans notre lecture biblique. Moi, je n'étais pas particulièrement fort en français. Je passais, mais souvent de justesse ou un peu plus. Ce qui ouvre le texte et fait découvrir le texte, ce sont les références dans les notes. Alors, les notes sont au bas de page. Alors, vous avez les notes de la page et vous avez des notes de sommaire. Alors, les notes sommaires, c'est un petit paragraphe qui sort pas gris, mais gris foncé. Et lui, il vous donne un survol de la pensée de l'auteur dans les derniers chapitres. Alors, peut-être qu'il y a 2 chapitres, 3 chapitres. Et il nous donne la pensée de Paul, je donne un exemple, de Pierre, de Jean, sur quelques chapitres. Et il nous donne un suivi pour que ça nous donne un survol. Et il fait ça de façon régulière. Alors, ce sont des micro-études qui vous font découvrir des trésors, ce n'est pas long, ces études-là. Je me suis discipliné à lire toutes ces références parce qu'il y a un festin très varié qui m'attend. Les références que je connais par cœur, je les regarde aussi. Je prends le temps d'aller fouiller dedans là, puis aller regarder ce qui est écrit là, parce que le texte explose en toutes sortes de directions. Ce passage-là, quand je regarde les références, il m'amène à d'autres références, qui m'amènent à d'autres références, d'autres explications. Alors, c'est un menu très varié. Et qui allume notre curiosité. Le texte est minimaliste, chaque mot est bien pesé, comme j'ai dit. Il n'écrit pas pour remplir du texte. Ne soyez pas surpris de relire le texte plusieurs fois, parce qu'il est riche et condensé. Parce que c'est difficile à comprendre? Non, mais on veut en saisir bien le sens. Parfois, en relisant le texte, ce sont des couches de compréhension qui pénètrent dans le sol de la connaissance. Oups. Comment ça? Ah, oh, il est en envers. Bon. Alors, je vous amène dans Proverbe 11 au verset 1. Alors, il est écrit, « L'Éternel a horreur des balances fausses, mais il aime les poids exacts. » Alors, ça nous donne un minimum d'informations. Mais, quand on lit le livre des Proverbes, vous savez que chaque verset est souvent un proverbe juste à lui seul. Puis si, des fois, il y a un regroupement de versets avec des pensées similaires, comme le roi. J'ai vu, il y a une section où ça s'adressait au roi. Alors, maintenant, nous allons lire qu'est-ce qu'il dit. Alors, ici, il est écrit dans Proverbe 11:1, la note, sur le mot horreur. Alors, c'est écrit voir 3:32, le chapitre 3 au verset 32, puis il y a une note là. Alors, une telle pratique était interdite par la loi, c'est avoir des balances fausses. Alors, la loi dit dans Lévitique 19, on va lire tantôt, et c'est dénoncé par les prophètes, c'est Amos 8 au verset 5. Alors, il nous réfère aussi à d'autres notes, comme Daniel 6, 23, 25, illustre, c'est-à-dire qu'il donne une image de cela. Alors, moi, je vais vous introduire un peu, on va regarder quelques versets, et ça va vous donner une idée un peu comment on procède. Alors, la référence, c'est à Proverbe 3, 32, il est écrit, « L'Éternel a en horreur les gens mauvais, mais il réserve son intimité aux hommes droits. » Alors, nous avons maintenant la note de bas de page. Alors, il est écrit ici, le mot « horreur » ou « en abomination ». Alors, nous, ça nous dit quelque chose, le mot horreur. On pense aux films d'horreur, on pense à des choses qui nous lèvent le cœur. Mais quand il dit, aurait pu traduire en abomination, c'est quelque chose de plus fort, de plus profond. Et cette expression qui revient ailleurs dans le livre, alors il nous donne des références, et ce qui est aussi utilisé dans Deutéronome, a un sens très fort. Elle exprime le dégoût et le rejet. Alors, vous voyez, là, je souligne avec un crayon feutre, là, et quand je veux que ça soit plus marqué, bien, je le fais au stylo. Elle exprime le dégoût et le rejet. Alors, le dégoût, vous savez, quand quelque chose là, vous lève le cœur, quelque chose assez pour te faire vomir, là, bien, c'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, là, ça vient un peu pas mal digestif, là, ça vient te chercher profondément dans ton physique. Et le rejet, parce que quand quelque chose nous dégoûte, on veut s'en débarrasser. Alors, c'est exactement ça que ça fait. Alors, là, je suis dans la note de Proverbe 3, 32. Mon doigt ou mon signet est toujours dans Proverbe 11. Alors, je reviens dans Proverbe 11. Alors, tantôt, il y avait l'aspect légal, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi dit sur Proverbe 11. Alors ici, la loi, qui était écrite avant le livre des Proverbes, Elle dit au chapitre 19, versets 35-36, sur la balance, « Vous ne commettrez pas de malhonnêteté en fraudant sur les mesures de longueur, de poids ou de capacité. Vous vous servirez de balance juste, de poids juste, de mesure de capacité juste. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. » Alors, ça, c'est la loi. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé avec les balances fausses? Alors, Amos est un prophète. Ici, il est allé dans les tribus du Nord. Il dit, « Oui, vous qui dites, quand la nouvelle lune sera passée, pour que nous vendions notre blé, quand le sabbat finira-t-il, pour que nous ouvrions nos magasins de grains, nous diminuerons la mesure et nous en augmenterons le prix en truquant les balances. » Alors, Amos était contre les balances. Alors, Amos fustige le peuple de sa corruption, du vol, du mépris, de la violence, jusqu'à réduire les gens à l'esclavage. Alors, quand on lit tout le livre d'Amos, c'est ça que ça faisait. Ce n'était pas juste le vol, l'hypocrisie du moment, mais ça avait toutes sortes de conséquences, jusqu'à l'esclavage, parce qu'il y en avait qui étaient appauvris. Puis parce qu'ils étaient appauvris, ils étaient obligés de se vendre pour pouvoir continuer de vivre, etc. Alors, ça allait jusqu'à l'esclavage. Alors, ici, on peut s'arrêter à l'aspect commercial et social seulement. Ça, on appelle ça une interprétation textuelle. On se limite à ce que le texte dit. La balance, mais quand on regarde une balance, souvent on a une photo de balance, elle représente une image de la justice. Alors, ici, on tombe au niveau du sens de l'image. L'interprétation de l'intention de l'auteur, intentionnaliste, qui, même aujourd'hui, les juges, je lisais sur les juges aux États-Unis, ils utilisent cela pour interpréter la loi, ici même au Canada. Alors, la balance qui représente la justice, elle nous parle aussi de nos relations entre nous et de toutes sortes d'injustices. Vous voyez, là, on est passé là, de l'échange monétaire à toutes sortes d'injustice. L'expression populaire « deux poids, deux mesures » peut être prise moralement, exemple, en faisant du favoritisme, tel que Jacques condamne dans son épître, du dénigrement, du racisme, de refuser d'écouter et de tous les devoirs que nous avons les uns envers les autres. C'est une expression populaire, « deux poids, deux mesures », mais ça représente le verset ici. Il y a, mon épouse me disait que ça lui faisait penser à, comme quand que la fille se retourne vers la mère, elle dit, « Maman, j'aimerais ça partir samedi, faire telle activité, veux-tu garder mes enfants? » Puis la mère, elle écoute, puis là, elle se dit dans sa tête, « Oh non, samedi, puis je vais être obligée de garder les enfants. » Puis là, elle se tourne vers sa fille, puis elle dit, « Ben oui, ça va nous faire plaisir de garder les enfants. » Hein? Ça vous fait sourire, hein? Deux poids, deux mesures. Alors, il y a ce qui se passe là, puis il y a ce qui se passe dans ce qui sort de la bouche. Alors, vous voyez comment la réflexion et la méditation peuvent nous conduire. Alors, on a un petit verset de rien dans Proverbes 11:1 qui nous parle d'une balance. Et il y a toute une série de réflexions autour de cette balance-là. Alors, le texte semble exploser et nous conduit à un festin de vérité. Je vous avais promis un festin, un vrai festin. Alors, moi, souvent, je sors de ma lecture puis je suis tout excité. Ou au milieu de ma lecture, je me tourne vers mon épouse, puis je lui dis, « Hey, as-tu vu qu'est-ce qui est écrit? On peut le prendre de telle, telle façon, parce que ça m'excite. » Et j'aimerais que cette excitation-là, cette joie-là, soit aussi la vôtre. Alors, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, pour expliquer comment que nous pouvons faire ce verset de s'instruire les uns les autres. Le livre des Proverbes nous instruit souvent avec un côté positif et un côté négatif. Le juste et le méchant, celui qui aime Dieu et celui qui hait Dieu, ou celui encore qui est rebelle. On est prêt à nous identifier avec le sage. Alors, sommes-nous prêts à nous identifier? On est prêt à s'identifier avec le sage, mais non avec le méchant. Pierre a été un traître. Les apôtres ont été orgueilleux. Ils se voyaient mieux qu'autrui. Ils cherchaient à savoir qui est le plus grand, qui était le meilleur. Ils ont démontré un manque d'humilité en voulant faire tomber la foudre sur des personnes. Ou Jésus leur a même reproché sévèrement d'un manque de foi, comme lorsqu'il est descendu de la montagne. Oui, plusieurs fois, on peut se reprocher. Sommes-nous prêts à se reprocher? On peut se reprocher d'être sur la voie du méchant ou de la condamnation, ou encore celui du reproche. On ne parle pas ici de la perte du salut. On peut mentir, on peut médire, on peut calomnier, on peut désirer la mort de quelqu'un ou sa propre mort, convoiter, avoir des pensées perverses, tout en disant, « Ah, mais j'ai rien fait! J'ai rien fait! » C'est difficile à accepter, mais quand il parle du méchant, il parle aussi de nous. C'est difficile à accepter. Mais rappelez-vous que dans la relation du couple, on passe du mode ami à celui d'ennemi en quelques secondes. Alors, on peut être dans ces modes-là du pécheur, dans le livre des Proverbes. Oui, en se sondant et en priant, nous pouvons nous regarder dans ces différents rôles. Cela nous donne une toute autre perspective du livre des Proverbes. Quand j'ai commencé à lire les Proverbes comme ça, là, ça a renversé toute ma pensée. J'ai réalisé ces dernières semaines qu'il n'est pas toujours évident de faire ce que l'Écriture nous demande. Lorsqu'elle dit « va voir ton frère », on peut avoir peur et même très peur. Je me rappelle de nombreuses fois où je ne voulais, moi, rien savoir. En tant que médecin, ou personnellement, ou encore comme croyant. Ceux qui me conseillaient m'encourageaient à prendre rendez-vous avec le sujet ou la personne, à le rencontrer et de parler avec. Je peux vous dire que c'était difficile, vraiment difficile. Mais à force de le faire, cela devient moins difficile. Il y aura toujours un certain niveau de difficulté ou d'incertitude. Mais quand on pratique quelque chose, ça devient plus facile. Alors, l'ouvrier qui martèle et qui rentre des clous à longueur de journée, tu sais, quand il prend un grand clou, puis d'un coup, choum, il rentre d'un seul coup. Il en a donné des coups. Il sait quelle intensité faire. Et ça marche bien. L'expérience, la répétition rend parfait. Les difficultés à s'instruire les uns les autres. Alors, on peut vivre toutes sortes de difficultés. Certains ont exprimé qu'ils se sentaient intimidés face à mon éducation ou encore mon aisance d'expression. Je vous en parle. Mais vous allez voir que je suis comme tout le monde. Cela peut être un problème pour celui qui a une éducation limitée, ou qu'il se sent trop timide pour instruire les autres. Mais c'est des obstacles qui peuvent être surmontés. édifier, exhorter, instruire le texte ne nous dit rien que ça doit être dans un grand auditoire. Dans la réalité, cela se déroule les uns les autres, dans le un à un, dans des petits groupes, deux, trois personnes, comme dans un groupe de nouveaux sauvés ou de futurs membres. On est souvent tout seul avec la personne. Dans les groupes un peu plus gros, ou les cellules, où on se sent confortable, tels que les groupes de prière, les groupes d'hommes, de femmes et d'amis, avec quelques amis, on peut s'exprimer, on peut exhorter, on peut édifier. Le mot enseigner peut faire peur, juste le mot enseigner. On pourrait traduire par parler. Il y en a qui parlent naturellement beaucoup. Témoigner, s'exprimer, exhorter, encourager. L'éducation sert pour acquérir, elle, un métier. Le reste, c'est l'expérience de la vie. Nous avons tous cette expérience de la vie. Il n'y a pas d'expérience qui est plus valide qu'une autre. Alors, quand on dit « je ne connais pas grand-chose », moi aussi, je ne connais pas grand-chose. Dans l'électricité, là, je connais positif, négatif, là, puis je suis mes fils, mais c'est à peu près tout. Là. Je ne connais pas grand-chose. Dans le métier de la mécanique, oubliez-moi. Là. Je sais que l'huile doit rentrer dans le trou, puis le lave-pare-brise rentre dans ce trou-là, mais je ne les mélange pas. Ça, je peux vous assurer, je ne les mélange pas. Alors, dans celui d'être fermier, il faut être polyvalent, puis savoir se débrouiller. Alors, ce n'est pas tout le monde qui a ces habiletés-là à se débrouiller puis à être polyvalent. Un monsieur a plusieurs cordes à son violon. Est-ce que c'est suffisant pour limiter à enseigner? L'aisance de la parole. Bon, je vais vous parler de moi encore. Lors des examens oraux, ça, c'était ma bête noire, les examens oraux, parce que je ne les réussissais pas. Je bafouillais. On avait beau m'aider, mais ça ne marchait pas. J'étais obligé de reprendre ces examens-là dans les examens écrits. Alors, j'ai passé. Il y a toujours moyen de poursuivre son effort. Ça, c'est la leçon. Quand une chose ne marche pas, on peut essayer autre chose et autre chose, jusqu'à temps qu'on réussisse. La timidité. Vous connaissez? Savez-vous que je suis facilement timide? Je suis timide. Plutôt que sortir, je vais rester chez moi. C'est simple. J'ai dû apprendre à la surmonter pour m'intégrer au groupe. Je pense au secondaire. C'est facile de se faire intimider, là. Puis ils se moquent de toi, là. Puis ils vont aller chercher des choses, là. Ça te fait mal, là. Ce qui m'a permis d'aller plus loin dans ma relation avec autrui, jusqu'à ce temps qu'eux autres m'acceptent. C'était difficile. J'ai dû travailler fort pour réussir, parce que ça ne venait pas facilement. Je n'étais pas un premier de classe. Je me tenais à peu près dans la moitié de la classe, là, bien ordinaire. Mais en travaillant, j'ai su avancer un petit peu plus. Alors, j'ai travaillé fort pour réussir, car cela ne venait pas facilement, tout comme vous, dans les orientations que vous avez choisies. Chacun de nous avons eu besoin de répéter et de répéter jusqu'à ce que ce soit fait avec aisance. Je dis souvent, la répétition rend parfait. Il en est de même pour ceux qui vous enseignent. Pour vous enseigner avec une certaine fluidité, ils sont obligés de répéter leur texte pour vous le donner. Alors, au secondaire, on avait un premier de classe. C'était celui qui avait le quotient intellectuel le plus faible de toute la classe. Mais il étudiait 6 heures tous les soirs. Aujourd'hui, il a son doctorat, il est chimiste, et il travaille à l'Université de Montréal comme professeur. C'était, il avait son quotient intellectuel le plus bas de la classe. Ce n'était pas dire inférieur à la population générale au niveau de la classe. C'était lui qui avait son quotient intellectuel le plus bas dans la classe. Il était le premier de classe. Ceci démontre que l'effort soutenu et la persévérance portent leurs fruits. L'Écriture touche tous les aspects de votre vie, autant d'une façon positive que négative. Nous avons tous à partager quelque chose. Alors, oui, on peut s'instruire les uns les autres en tant qu'amis, en tant que notre expérience comme enfant, comme adulte, travailleur, père, mère, grand-parent, homme, femme et adolescent. L'ordre de l'apôtre, Paul dit, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Ça s'applique à tous sans distinction à tout le monde. Remarquez que la condition essentielle pour faire cela, c'est ce qui précède. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Alors, pour le faire, faut demeurer dans la parole de Dieu. Le mot « demeurer » a une notion de temps qui persiste longtemps. Cette durée de temps, c'est pour permettre la croissance d'un fruit qui est propre à chacun. Ça, c'est les dons que Dieu donne. Alors, c'est pour ça que le chrétien ne peut être négligé, aucun d'entre vous. Le fruit rendu à maturité est la richesse de l'Église. La parole de Christ, c'est toute la parole de Dieu. Pour bénéficier de celle-ci, il faut passer du temps, de s'arrêter, de réfléchir, d'aller chercher toutes les informations que vous pouvez prendre. Alors, quand vous commencez Proverbe, il nous parle de ces recherches-là, de ce temps-là, de ces études-là. Les serviteurs de Dieu qui ont passé leur vie à étudier vous ont laissé un héritage. Alors, profitez-en. C'est pourquoi une Bible d'études peut vous aider. J'en ai fait l'expérience. De la joie de découvrir, d'avoir une plus grande intimité avec Dieu, de mieux comprendre sa parole, de faire plus de liens. L'excitation que j'éprouve, je veux vous la partager. Et que vous soyez repus de ce repas fantastique. Là, je vais vous parler un petit peu de traduction, ou encore, on emploie un mot dans la universitaire, l'exégèse de la parole de Dieu. Il y a essentiellement deux sortes de traductions, une qui est littérale et semi-littérale. Je vais vous expliquer. Exemple, on prend le mot table en anglais, table, puis on le traduit en français, table. Phonétiquement, elles se ressemblent, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est que le mot table en anglais désigne une table en français, ça ne désigne pas une auto. Ça ne désigne pas autre chose. Une table, c'est identique avec « table » en anglais. Une table. C'est une table, il n'y a pas d'autre chose que ça signifie, c'est une table. Alors, nous parlons à ce moment-là de traduction littérale. Par contre, si je traduis « il y a du pain sur la planche » en anglais. Vous connaissez l'annonce, hein? J'entends des petits rires, là. OK? Cela dit qu'il y a, on traduit, there's bread on the board. Puis si je prends cette expression-là anglaise, puis je la traduis en français, ça dit qu'il y a une tranche de pain sur le tableau. Alors que le sens en anglais, ça veut dire work at the meeting. C'est pas pareil. C'est une traduction qu'on appelle semi-littérale. Elle ne respecte pas le mot à mot, mais elle respecte le sens de la phrase et de la pensée de l'auteur. Alors, dans les traductions littérales, nous avons la Darby, la version seconde, 1880, 1910, 1978, et la seconde 21. Mais la seconde 21 se dit non seulement littérale, mais avec un langage moderne. La version 78, c'est une version, ils ont adapté le français parce que la langue française change. Si vous lisez des livres d'auteurs français d'il y a 200 ans, 300 ans, le sens des mots n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Ça l'a changé. La grammaire, la façon de l'écrire, ça a changé. J'ai un commentaire de Calvin sur le livre d'Éphésiens. Et il dit « Je proteste ». Le mot « protester » à ce moment-là signifiait « je confesse ». Je confesse, je témoigne. Je dis, je confesse ma foi dans le Seigneur Jésus. Alors, si je traduis ça dans les termes d'aujourd'hui, ça veut dire que je suis contre la foi du Seigneur Jésus. Ça ne marche pas, là. Tu sais? Je proteste la foi en Jésus. Tu vas me dire, hey, un instant, là. C'est pas ça que je veux t'annoncer. Je veux t'annoncer la foi en Jésus. Mais c'est ça, je proteste la foi en Jésus. Alors, ils sont obligés de mettre entre parenthèses, ils écrivent « confesser » puis ils mettent entre parenthèses cette explication du mot « protester » dans ce commentaire-là. Alors, c'est juste pour vous expliquer qu'au niveau de la langue, qu'est-ce qui se passe et dans ce que vous achetez, qu'est-ce qui se passe. La version sommaire se dit « c'est une approche dynamique. » Oui, qui est de viser à rendre le sens des textes originaux quand on l'exprime dans une langue d'arrivée. C'est-à-dire, on prend le sens des textes originaux dans l'hébreu et on l'amène dans le français. Est-ce qu'on va le traduire mot à mot? Parce que vous savez, sur un mot en hébreu, là, que j'ajoute une petite virgule, ça change complètement le sens du mot. Que je mette un point, ça change complètement le sens du mot. Le contexte dans lequel est écrit, ça change complètement le sens du mot. Alors, le même mot écrit peut être traduit dans plusieurs mots. Alors, c'est pour ça que c'est important, cette approche dynamique. Ici, la langue, quand on parle de la langue d'arrivée, on parle de l'hébreu au français. Alors, qu'on prenne de l'hébreu ou du grec, prend des sens différents selon les contextes qui se traduisent par des mots différents. Le français, oh, je vous ai parlé de ça, la traduction adopte une forme plus poétique en vers et elle introduit aussi du rythme dans la poésie. Alors, j'ai ici « Louange vivante », je vais vous en parler tantôt. Dans ce livre, à la fin, il y a des pages qui vous expliquent le rythme de la poésie. Alors, vous avez tous les psaumes, puis il nous montre comment le rythme qui se répète pour essayer de comprendre la poésie hébraïque. Elle est tellement riche que notre langue française, qui est magnifique en poésie, mais elle est insuffisante pour exprimer ce que l'hébreu dit. Alors, il y a beaucoup de poésie dans les psaumes et dans une partie des prophètes, et d'ailleurs aussi dans l'Ancien Testament. Alors, le coût d'une Bible est d'environ un bon repas au restaurant, le soir. Autour de 55, 65, à peu près. C'est fait pour être réparti à la grande population. Mais si vous prenez avec un simili-cuir ou avec du cuir, vous pouvez payer jusqu'au double de ce prix-là. Alors, pour ceux qui n'aiment pas lire, je vous dis que le goût de manger s'apprend en mangeant. C'est invitant à y retourner. Alors, plus on mange, plus c'est assez bon. Puis plus on expérimente, meilleur c'est. On peut toujours se rabattre sur des systèmes à cassette ou d'autres technologies numériques, mais ce n'est pas pareil. Arrêtez la vidéo, la cassette ou le disque pour méditer, ou encore réfléchir et prier. Moi, je trouve que c'est dérangeant, là, mais ça dépend de ce que vous voulez là, dans la vie. Moi, j'aime la Bible d'étude. Il y a une autre approche que Daniel Bernier m'a introduite. C'est le livre appelé « Louange vivante ». Alors, c'est un livre qui est ici devant vous, où il y a ce qu'on appelle une transcription dynamique sur les psaumes, sous la direction d'Alfred Cuen. Alors, c'est-à-dire que vous avez votre passage, mettons, je prends le verset 1. Alors, il inclut dans le bas de page des notes où il introduit les différentes versions, plusieurs versions, la façon qu'ils l'ont traduit, que je vais vous montrer. Des traductions des Bibles connues. Alors, si nous prenons le psaume 1, au verset 1, « Heureux, bienheureux est l'homme qui ne cherche pas le conseil auprès des gens en révolte. » Alors, ça, c'est la version sommaire. Les notes de bas de page, qui ne se conduit pas, il va dire, qui ne se conduit pas d'après le conseil des méchants. La seconde dit des pécheurs. Une autre version, n'entre pas dans la pensée des rebelles. Ne va pas à la réunion des infidèles. Ne prends pas les réprouvés comme guide. Ne vis pas selon leurs principes, en suivant leurs directives. Ce sont tous des synonymes pour nous donner des images différentes. Le fruit de cette approche est de nous rendre sensibles à d'autres façons d'exprimer la parole de Dieu, qui est proche du texte. C'est ça qui est important. Ce n'est pas des paraphrases, c'est des traductions. Alors, ils sont proches du texte. Nous sommes plus sensibles à certains mots que d'autres. Ces variations ont pour effet d'ouvrir le sens à nos émotions et d'augmenter notre appréciation et se reflétera dans notre vie de prière et d'adoration. Alors, si vous aimez cela, il y a aussi parole vivante. Alors, pour les psaumes, c'est louange vivante et la parole vivante, c'est pour le Nouveau Testament. Alors, si vous aimez, commencez avec les psaumes, c'est magnifique. Si on prend le temps et on s'habitue, là, il faut l'adopter, ça ne se prend pas tout seul. Alors, j'aimerais vous inviter à penser pour l'automne. On aimerait introduire l'école du dimanche pour adultes. Alors, j'espère probablement présenter l'enseignement sur les doctrines. Mais l'enseignement sur les doctrines, je n'aimerais pas le faire dans le sens maître-élève, c'est-à-dire que vous écoutez et moi j'enseigne, mais c'est plutôt dans le sens d'un partage. Comme qu'il est écrit, enseignez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi? Qu'est-ce que ça évoque? Comment on applique ça, etc. Il y a un partage entre les gens. Puis on approfondit en même temps les doctrines. Alors, je vous invite à l'automne et je remets maintenant la réunion entre les mains de Daniel. Merci.